tous ceux qui respirent, loue l'Éternel. Rendons grâce. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce. Oh, oh, oh. Rendons grâce pour son âme. Dès le matin. Dès le matin, les oiseaux chantent. Toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi mon ami. Et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Et toi mon ami. Et toi mon ami. T'appartient. Alléluia. Oh, alléluia. Et tout pouvoir t'appartient. Alléluia. Le monde entier dans sa main. Dites-moi qui tient le monde entier dans sa main. Dites-moi qui tient le monde entier dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main. Oh, dites-moi qui tient ma vie et ta vie dans sa main. Qui tient ma vie et ta vie dans sa main. Qui tient ma vie et ta vie dans sa main. Jésus. Jésus, alléluia, mon sauveur, allez, alléluia, oh Jésus, alléluia, le roi des rois, alléluia, il est vivant, il est vivant, il est puissant, il m'a sauvé, il est le roi des rois, il vit dans mon cœur, il est le roi des rois, il règne dans ce monde. Il est mon roi, il est ma vie, il est mon Dieu. Alléluia, il est vivant. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Qui est celui que nous élevons? Qui est celui que nous acclamons? Il m'a sauvé, alléluia, il m'a guéri, alléluia, il est mon alléluia, Dieu. Alléluia. Celui